Écoutez le bruit trachéal normal. Il est entendu au niveau de la portion extrathoracique de la trachée. Il est intense, de haute tonalité et entendu aux deux temps. Écoutez encore le bruit trachéal normal.